afin de nuit où d'étranges bâtisses demeurent, un règne de sentinelles infantiles. Je veux me souvenir d'anciens camarades, de ces visages passés souriant malgré tout. Le devenir blanc du monde, le rêve d'une chaleur insectoïde en hommage. Je n'arrive pas à respirer correctement. Ce ne sont pas les arrière-plans de l'âme, ni les mouvements du bas-ventre. C'est l'effrayante vérité de la chaleur devant mes yeux. Je reviendrai plus tard, dit-il. Il franchit la porte de l'appartement et appelle l'ascenseur. Ces magies futures m'échappent. Des tensions instantanées traversent l'horreur blanche de ce jour. D'autres s'accouplent, lisent, fument. S'accoupler, lire, fumer. Juste à la base du crâne et montant le long de la colonne, une tension s'accumule. Je pourrais parler de pratiques pornographiques des heures durant. J'essaie d'écrire. Un long cri rebondissait, se heurtait à l'intérieur de moi. Je voulais vivre. Le monde tout entier voulait vivre. J'en ai assez d'avoir mes idoles de chair et d'os, leurs mensonges tenaient droit dans leur sourire. Des êtres vertébrés femelles, des êtres vertébrés mâles. Les plaines à l'est sont d'antiques moments de silence. La couleur de ce monde est le gris, de l'arbre en tuile jusqu'à l'âme. La jeune fille dédaignait le monde d'un sourire, d'un revers de main. Ce fut la fin dans un petit hôtel. J'ai remonté le store de la cuisine, me suis servi le fond de Porto qui traînait depuis mon dernier séjour. L'amour se faisait à l'envers. Nous ne parlerons pas assez de l'âme, devenue rare comme un vieux livre. L'amour me brûlait les lèvres. Quant à lui, il ignorait le visage de l'espoir. L'Empire était debout et le regardait. Ils me raccompagnèrent en fin de soirée, passé minuit. Je ne voulais rien savoir de leur sourire, de nos partages. Des haines aux hanches fertiles venaient après des politesses reptiliennes. J'avais vu cela alors que mes mots n'atteignaient plus personne. Et comme ce fut facile de lui cracher à la gueule. Ce qui viendrait après, sans doute de vastes territoires, de longues marches respiratoires. Je n'en savais finalement encore rien. Ma chère âme, à tout savoir de toi. Je crois qu'il n'en a rien à foutre du monde comme il va, si ce n'est d'un passé dont nous finissons de ronger l'os. Je brûle ce reste de nous. C'était mon ami d'Amérique. Une carcasse de vertu bricolée d'aujourd'hui, un homme en sa laideur. On ouvre la nuit. La pièce finit par prendre sa respiration saccagée. Des amoureux aux mères, des mères aux tueurs. Je ne prends que le rêve. Le jeune homme dort dans un feuillage vert. Reste des mondes à prendre, sourire et déglutition. À en perdre la tête. Et le jour de percer jusqu'au cœur, un monde entier est vu depuis toi. Des incompréhensions, encore, mais c'est sans importance. Les rivages ce matin sont sûrs. L'air est rare, l'asphyxie, la solitude peuvent se réfléchir. L'imprudence systématique. Pour cela, il faut se taire, n'être que regard se pousser dans les bras l'un de l'autre. Je n'ai pas oublié les beautés, la vie féminine. J'étouffe cela, c'est tout. À nouveau, mon étrangeté, mon existence. J'imagine rapidement qu'il ne faut plus saluer. C'est un autre côté où on ne vous regarde pas, où on peut disparaître, tout simplement. Peut-être seulement le soir m'accoupler avec des putes mâles ou femelles. La plupart des hommes sont capables de compromis, de résignation. J'en retiens de la première que j'en deviens hypocrite. Pour le reste, tout le reste de mes comportements, je cultive loin des yeux l'extrémisme. Il n'est qu'un fantasme, peut-être même une pacotille. Ma situation sur le bord du chemin, sur cette terre d'autoroute, est plus difficile à tenir, à vivre. Ils sont tous en mouvement et ils s'aguerrissent. Les petites filles sous les lampes halogènes. Ils possèdent une certitude agressive, rien de moins qu'une virilité établie et dégoûtante. Et ils ont beau parler de leur incertitude à être, à paraître, loin des yeux, du cœur et de la mort. Ce qui me gênerait, c'est de mourir avant vous. Car j'ai des rêves et des projets silencieux pour cette vie d'après. J'étais tas de par-dessus en forme d'âme et des phrases pour meubler. Je voudrais retrouver cette rue, peut-être aussi une quelconque que le soleil domine, écrase. De ces journées où mon âme passive n'était pas encore née. Les nuits dans leur devenir domestique, la patience. Il m'en reste encore un peu. L'oubli allait grimper le long du mur. La nuit fut peuplée en quelques instants. L'insupportable raison d'être des bruits d'hommes, ces territoires d'avant le désert. Peu de choses sont restées, fleuves, montagnes, purement syllabiques. Je crois me deviner vers la fin, ici, dans cette demeure, à nouveau enfance, seule, sans d'autres mensonges que les miens, la dernière place avant le gouffre, dans un état insensé. Premier conseil que me donne le silence, trouve-moi. Nous parlions de nos morts respectives, ma mère et moi. Quelques moments sans peur, de manière exemplaire, terrienne. Un instant, puis la peur, la vie, l'habitude de nos peurs et du sang encore fluide dans nos veines reprirent leurs droits. Elle se mit alors à lire distraitement un livre posé sur la table. Malgré toutes les charges que j'avais accumulées contre elle, j'acceptais tout ce qu'elle était à cet instant-là. Un temps frais, un temps agréablement frais. Mon esprit ce matin existe sans démesure, sans excès, une vie barbare, un sourire barbare. Que sera ce jour, ces rencontres, ces attentes? Ces mots sont écrits sans enthousiasme. Ils sont un présent, un midi solaire, rien ne les suit. Quelques minutes après, prise de tranquillisant, oubli des rires frénétiques et de la pensée de ces rires. Pour quelques minutes encore. J'ai peur. Je quitte Samuel en milieu de matinée. Sa personne est peut-être toxique. Sous les platanes verts, l'écorce craquelait le goût de sa sueur, ad vitam aeternam, en marchant. L'âme de ce paltoquet avait la consistance de l'air. Juillet encore pour l'aimer. Vous voyez bien que ma simplicité est soit empruntée, soit symptomatique de pauvreté. Elle ne porte rien, même pas un bûcher, feu de joie des départs. Je grimpe dans le bus, m'installe et respire mon odeur, et sans amour ni appétit de nouveau, satisfait de mon corps. Je ne sais pas encore ce qui m'attend. Nous sommes aux alentours de 2002 ou 2003. Je suis un être arrogant et rêveur. J'admirais, aujourd'hui je le dis, je jalousais la lumière de l'après-midi. La lumière sur le carrelage rouge où joue un enfant, celle rose des fins de journée du mois de juillet. De toute cette lumière-là, partout, je n'en suis pas frère. Ni fils. L'âme faite en tiroir, en escalier, toute articulation vers le bas. Je savoure mon absence de fin de journée, cette nuit, remarquable d'absence et de promesses. Nidification, il peut essayer la faiblesse comme modalité. Revenir, chercher encore d'autres errants, de ces personnes inattendues, silencieuses et admiratives. Les fanions sur la place du village claquaient dans un vide qui semblait ailleurs que cette nuit. C'est peut-être une fin de monde, avec ses applaudissements enchevêtrés ici ou bien couloir de métro, rue berlinoise vert, un port avec ses grosses ombres étirées. Le monde faisait semblant. Quelques projets, idées comprenant désert et vagabondage, comprenant terre d'asile. Respirer à demi, se souhaiter bonne année en dormant. Premier jour. Premières heures les matins et parfois recommence en après-midi à renaître de ces moments. Samuel dormait nu, le corps blanc, frêle et viril. Tout comme lui, je ne me souciais pas à cet instant-là de ma conscience. Nous pouvions être cruels et égoïstes, dénués d'arrière-pensée. Je quittais rapidement cette matinée. Il faut imaginer la nuit comme un monstre vorace, un désert aride, des zones portuaires où dorment des écrivains homosexuels. Des gouines dont le vagin est cousu, femmes et hommes renaissent et meurent, leur progéniture envahit les rues, orgie de sucre et de chair. Le malaise est un néon clignotant, longue liste des mémoires à tuer, et cela se fait. La jouissance est possible. En revenant à moi, j'ai compris que je n'étais qu'à peine, qu'il me fallait oublier et peut-être même aller jusqu'à un sacrifice. Corps et âme inclus. De quoi faut-il se délester pour écrire? Il faut supposer une pesanteur que nous devons résilier, peut-être aussi des vers et encore des vers. Je n'entends qu'à peine la ville devenue murmure derrière le double vitrage. Il faut un choc, prendre des risques, c'est certain. Quelque chose essaye de naître en moi, sans cesse. Des admirations et du souffle. Croire. Comme je traîne mes pas jusqu'à la croyance, cette partition de vie ne sera pas musicale. J'écris ces quelques lignes, enfile un pantalon, une chemise. Sortir. J'avais beau hurler, je ne produisais aucun son. J'avais beau boire, la tension ne s'apaisait pas. Les voyages en train, les altitudes du souvenir, les parodies mentales. Je n'écrirai pas sur elle, j'éviterai son corps autant que possible. Il restait des fragments d'un monde, la brutalité est à l'avant-garde. On devinait les chuchotements du sud sous les draps, l'absence d'un squelette fluide à parcourir. Ça ne finira donc jamais la marchandise. Donne-moi l'ivresse du soir. La nudité d'une ville bâtie sur du sable. Donne-moi des rires d'enfants qui me rappellent que j'étais autrefois un polyglotte de la matrice. Le soleil de ces premiers jours de juin tapait sur les volets. L'ordinateur ronronnait comme un chat encombrant. Début d'après-midi. La fenêtre est ouverte. Je me prends pour un autre, cela se voit, non? Je ne demanderai rien à personne aujourd'hui. Je voulais me dissoudre, voir une saison d'empire passer au-dessus de ma tête et faire souffrir quelqu'un. Il y avait au dehors des jeunes hommes qui embrassaient des jeunes filles, sous le soleil de juin. Au fond de moi, je savais que notre monde est seulement le nôtre titubé. C'est aussi pour cela que j'écris, les commencements et les fins. Je voulais des fous furieux jusqu'au fond de ma mémoire, du cœur. Je voulais être un autre, et cet autre-là en devenir peut-être, cet autre-là serait disloqué. Pauvre fils. L'appartement se refermait sur moi, la chaleur pénétrait par la porte-fenêtre. Dehors, les jeunes hommes et les jeunes filles portaient à bout de bras, sans s'en rendre compte, l'œuvre du sexe et de la mort. Vraiment, j'étais ravi d'exister. Ses yeux étaient rouges, son enfance lointaine. Que pouvais-je lui dire sans sourire cruellement, poliment? Encore sur moi, je fuis finalement plus une sorte de scribe qu'un artiste. Cela m'a enragé de n'être qu'un vulgaire voleur de mots. Je me sers un verre de martini soda, reprends calmement et maudis autour de moi les sourires et les larmes. Tout le monde m'aimait, n'est-ce pas? Non. Soir d'été. On devine le monde, ses murmures jusqu'aux étoiles. On regarde les amis. On les sait mortels, on s'en accommode. Et le bonheur vague devient féminin. Il nous reste à rejoindre le petit matin, l'extinction des nuits ou peut-être du rire. J'oublie mes ressemblances, j'oublie le corps masculin et revient à moi le feuillage parfumé d'inconnus. Les alliances que je renouvelle avec le passé, ceux-là sont mélancolie, sans rixe. Et l'âme immobile et téméraire. Prendre l'ampleur, le visage d'une foule, être tous à chaque endroit des nuits humaines. Dire oui par un sourire, sans baisser les yeux et m'accoupler. D'un autre me resservir un verre et pleurer peut-être, vivre l'espoir au-devant, tout proche même. Tout entier cette nuit pour nous. De plus en plus morne. Son sourire tenu avec de moins en moins de politesse. L'histoire, justement, le sucerait jusqu'à l'os. Il aurait vécu. Ma mère, elle, monterait directement aux cieux. Je voulais oublier des tas de choses dans cet après-midi. Au fond, je voulais simplement, d'une manière totale, être amoureux, être anéanti dans un amour, voir le soir se coucher sur mon âme. Le rêve, monsieur, pas l'ambition. Je continue à creuser en moi. Je retrouve les sourires de toute la journée d'hier. Des tragédies en sourdine aussi, ou alors avec fierté et riant, encore et fumant, buvant, ne pas aller en ville. Me redevenir dans la nuit prochaine, et puisque certaines personnes d'une brutalité inouïe s'allaitaient encore, je serai d'une soumission totale pour ce siècle. Je peux bien rêver de baisser les yeux. J'étais une âme heureusement masturbatoire. Pour l'instant. Une grande fatigue, une croûte d'où jaillissent des lampes dont l'existence n'est pas réductible. À même cet espace débouchant sur le bonheur marin, sur le champ de toute petite créature, avant qu'un prédateur, un être mâle, ne cisaille cette distance de moi à moi. Et s'il faut faire jaillir, s'il faut que je renacle en moi, que j'y ampute un monde, son silence qui tombe le long de sa jambe passée au-dessus du rebord du canapé, son silence est le marteau de Dieu. Dans un autre registre ressemblant au bonheur. Pourquoi faut-il que nous allions sans voir, sans trop lever la tête? Des gyrophares traversent l'ennui des dimanches, des pelisses pour nos souvenirs, quelques colères aussi, au teint mat. Nos amours que nous croyons enfants si difficiles sont devenus aventures et mots, mots pour le cœur. À ne plus savoir qu'en faire, allons dans ce monde, vers l'autre. Le rêve s'est précipité en silence. Par petites touches, c'est le monde, j'entends des sortes d'éclats, des jeunesses encore à l'entrée du labyrinthe. Nous aimons-nous? Je verrai alors leur visage sans deviner ni vouloir deviner leur âme, leur histoire. Ils furent comme des inconnus, presque des proies avec leur politesse et leur sourire malgré cela. Les prédateurs laissèrent passer ces deux carcasses, ils s'en amusaient comme de la mienne. Après cela, tout cela, c'est aujourd'hui, je veux la cruauté. Je veux m'y arrêter et demander du feu à un passant. Je sais qu'un des fragments de l'Empire s'est effondré non loin de là. Cela nous a privés d'une colère, de l'adversaire dogmatique. Trêve encore. Le Sud, ici le Sud, s'y prépare avenir éphémère et nostalgie. Et le rêve autour de tes hanches, c'est maldit d'aimer, c'est maldit amour. Il se peut qu'après leur départ, des continents aient peuplé ma mémoire. Leur sourire fut trahi, passablement abîmé dans d'anciennes époques d'images bavardes. Le soupir fut extrême, presque le rire de ma poitrine. Je ne comprenais pas, rien ni personne ou personnage ne retenait son souffle. Cela allait sans cesse de minuit en minuit. Je ne saurais quitter la ville ni lui sourire amicalement sans une révolte. Mon âme ne trempe pas encore dans la nuit. Soleil, refuge. Je me suis arrêté quelques minutes. La lumière halogène déplaçait sa ligne mince. La fièvre s'allumait en moi. Courrier, à l'adresse des néons du drugstore. Le monde en moi traînait hors saison. Il me vint l'idée de m'asseoir, de me recroqueviller sous une de ces lampes qui baignent les chambres d'hôpitaux. Je soupirai la nuit, je la respirai, et rien d'autre n'a survécu de ce cœur dévoré. À l'abri des drames, je sais bien, cela est passé. Il n'y a rien d'autre que la route et quelques airs de repos, espaces et moments qui attendent pour une fin. Peut-être d'une manière non dramatique d'ailleurs. Aujourd'hui, calice vert. Ils fuient dans l'œil hélicoïdal du brouillard, rivalisent de cruauté, leur tempe signe bonheur. La ville ressemblait à un jeune homme blond, il rendit l'âme une nuit. Après le sang nocturne, les jours fixes, entresol général, il n'y a plus rien eu autour du visage, la mortalité infantile peut-être. Je voudrais encore te dire les paroles qui font peur, blottir mes bras dans ta mémoire. Mon regard avalait la lumière des après-midi. À regarder l'intérieur, tout semblait rassurant. Enfin posé. Admiration du corps. On pouvait voir des monstres heureux sur les quais. On pouvait aimer avec toute la brutalité nécessaire. Cela fit de nous des enfants.